Je pense que la plupart des chefs historiques qui ont lutté pour l'indépendance ont été, soit par idéologie, enclins à penser comme les marxistes-léninistes, c'est-à-dire copions le système politique des adversaires de ceux qui nous ont colonisés. Et sur l'échiquier international, les adversaires de ceux qui nous ont colonisés étaient tous à l'Est, avec un système politique bien connu, monolithique et axé sur un parti unique. Et cela, même Nkrumah n'y a pas échappé. Les grands leaders charismatiques n'y ont échappé. Et les leaders qui étaient plutôt de la tendance, disons, libérale, ont trouvé que c'était une solution facile de rentrer dans un système monolithique pour pouvoir asseoir les pouvoirs et pour pouvoir espérer continuer longtemps à gérer les pays. Voilà donc clairement exposé toute une batterie d'arguments justifiant après coup la mise en place du système des partis uniques. Mais l'histoire, au jour le jour, se fait à son rythme, sur une trajectoire qui lui est propre et quelquefois, Elikiam Bokolo, bien éloignée des schémas théoriques. Oui, Philippe Saint-Denis, sur le terrain en effet et dans le feu de l'action, c'est par le combat plutôt que par des arguments juridiques que le parti unique se met en place. Combat contre toutes les catégories sociales, contre tous les individus qu'on considère comme étant les ennemis du parti unique et au premier rang de ces individus, les intellectuels. Illustrons vos propos en écoutant, en décembre 1964, le président camerounais Amadou Ahidjo en campagne électorale dans le nord-ouest de son pays.